pour les superstars du cinéma, ça se passe avec Frédéric Segris et vous voulez nous parler d'Halloween. Oui Mathilde, Halloween, cette fête américaine commerciale qui depuis des années tente de remplacer l'ennui de notre bonne vieille Toussaint. Vous savez, ces dimanches longs, mornes et gris où on accompagne Mamie Thérèse au cimetière pour mettre des fleurs fraîches et un coup de jet d'eau sur la tombe de Papy Maurice. Tout ça aujourd'hui est remplacé par le port de costumes débiles de séries Netflix ou des tenues que même des stripteaseurs n'oseraient pas porter. Halloween, ce moment où on envoie les enfants qui mendaient des bonbons chez les voisins alors qu'on a passé toute l'année à leur dire de ne pas en accepter des inconnus. Un moment où chacun joue à se faire peur en mettant des squelettes, des chauves-souris ou le charisme de Michel Barnier devant chez soi. Moi, l'année dernière, j'avais mis une vidéo de Greta Thunberg sur le pas de ma porte en train de parler du réchauffement climatique. Et je vais vous dire, les momies étaient terrorisées. Cette année, j'ai mis une photo de Sandrine Rousseau sur une citrouille avec un écriteau « Les bourses ou la vie ». Ça va faire peur aux petits garçons vu que ça fait déjà peur au papa. Non, ce matin, j'aimerais vous parler de Frankenstein. Fallait un cerveau aussi grand qu'Einstein pour en greffer un autre à Frankenstein. Faire de plusieurs cadavres en un instant. Une chanson de Serge Gainsbourg, interprétée par France Gall en 1972. Alors évidemment, quand on entend Frankenstein, on revoit immédiatement la grande silhouette de Boris Karloff dans le film des studios Universal de 1931. Ce grand zombie muet avec des boulons dans le cou. Un Boris Karloff en Frankenstein, c'est Jean Lassalle avec de l'eczéma. Ce film, qui est en fait l'adaptation du roman de 1818 de l'autrice Marie Shelley. Un roman qu'elle a initialement fait paraître de manière anonyme afin que personne ne sache qu'il avait été écrit par une femme. Heureusement, les temps changent. Marlène Schiappa, en 2021, elle peut mettre son nom sur les livres. De toute façon, personne ne les lit. Une erreur qui est souvent faite quand on parle de Frankenstein, c'est de penser que c'est le nom du monstre. Alors que non, c'est le nom de son créateur. La créature créée par le docteur Victor Frankenstein n'en est fait pas de nom. Et ensuite, on croit souvent que cette créature ne parle pas. Eh bien au contraire, dans le livre de Marie Shelley, elle est douée d'intelligence et parle bien mieux que les anges de la télé-réalité par exemple. Frankenstein, c'est une relecture du mythe de Prométhée qui a volé le feu aux dieux. Le docteur Frankenstein, obsédé par l'immortalité, décide de se livrer à une expérience contre nature en rassemblant des morceaux de différents cadavres pour créer une nouvelle vie. Le monstre de Frankenstein n'est rien d'autre qu'un assemblage de morceaux du passé pour lutter contre l'angoisse d'un futur incertain. Je vous vois pas du tout venir là, Frédéric Segrist. Non mais vous êtes en train de nous parler d'un candidat non déclaré à la présidentielle et qu'on voit partout. Oui, faut dire je suis pas très subtil. Non. Oui, mais de la même manière que l'on a donné à la créature le nom de son créateur, car c'est Victor Frankenstein qui a lâché sur le monde ce patchwork du passé en décomposition, rapiécé de toutes parts avec des tissus de haine. Peut-être qu'au lieu de tout le temps parler d'Éric Zemmour, on devrait lui donner le nom de ceux qui lui ont donné une tribune, qui ont donné une tribune à ses idées d'un autre temps. France 2, Paris 1ère, CNews, Albin Michel, Laurent Ruquier, Vincent Bolloré et sûrement un peu toutes les chaînes de télé et les stations de radio françaises depuis la rentrée. Le livre de Marie Shelley pose la question « Qui est le monstre ? La créature ou le créateur ?» La réponse est les deux. En cette veille d'Halloween, c'est l'occasion ou jamais de se replonger dans ce formidable classique de la littérature qu'est Frankenstein et de se souvenir que dans le livre, la créature se venge en détruisant tout ce à quoi tient le créateur. Frédéric Segris, c'est la chronique Blockbuster qui referme le 5-7 toutes les semaines. En une chronique, vous avez réussi à vous fâcher avec Michel Barnier, Greta Thunberg, Sandrine Rousseau, Jean Lassalle, Marlène Schiappa, c'est pas mal hein ? C'est mon joli super pouvoir. France Inter.